السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Chers frères et sœurs, nous remercions Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de se réunir afin d'étudier un chapitre de la religion, un chapitre de la plus grande importance, car c'est un chapitre qui est lié à la croyance. Ce chapitre concerne tout ce qui peut faire sortir la personne de l'islam après avoir cru, à travers des actes, des paroles, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. C'est un sujet important dont il convient à chaque musulman de ne pas ignorer. Pour cela, nous étudierons dans ce domaine un épître du cheikh de l'islam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullahu ta'ala. Cet épître qui se nomme « Les annulatifs de l'islam ». Quant au cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullahu ta'ala, il est l'auteur de plusieurs ouvrages fondamentaux dans la croyance, comme « Kitab al-Tawhid », « Les trois fondements », « Les quatre règles de base », « Kashf al-Shubuhat » et d'autres épîtres, dont cet épître que nous avons entre les mains. Un annulatif, c'est ce qui rend une chose vaine ou la détruit. Quant à la définition de l'islam, c'est de se soumettre à Allah à travers le monothéisme, le tawhid, de se soumettre à lui en lui obéissant, de se désavouer du polythéisme, le shirk, et des adeptes du polythéisme. Les annulatifs de l'islam sont donc les choses qui rendent vaines et qui détruisent l'islam de la personne. À ce moment, la personne sort de l'islam vers la mécréance, ceci si les conditions sont réunies et que les empêchements sont levés ou absents. Il est donc nécessaire pour chaque musulman de connaître ce sujet, connaître ce qui annule la foi du croyant, car celui qui ne connaît pas le mal tombera dans le mal. Comme a dit le poète, « Araftu sharra la li sharr, walakin li tawaqihi, wa man la ya'rifu sharra min al-khayri yaqa'u fihi. » J'ai appris le mal, non pas pour le mal, mais pour m'en prémunir. Car celui qui ne connaît pas le mal du bien tombera dans le mal. Comme nous apprenons le bien de manière générale et détaillée, de même nous apprenons à connaître le mal de manière générale et détaillée afin de s'en préserver et ne pas tomber dans ce mal. Comme ceci est rapporté du célèbre compagnon Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu anhu qui a dit « Kana an-nasu yas'aluna Rasulallahi 'anil khayri wa kuntu as'aluhu 'anil sharri » Il a dit, les gens questionnaient le messager d'Allah sur le bien, et moi je le questionnais sur le mal, de peur que le mal ne m'atteigne ou ne me touche. La nécessité d'étudier ce sujet revient à plusieurs points. Premièrement, afin de préserver sa religion. Deuxièmement, l'étude de ce sujet fait partie des différents chapitres de la religion. Comme le musulman apprend les règles de la prière et ce qui l'annule, alors de même il apprend les annulatifs de l'islam afin de s'en préserver. Troisièmement, la place qu'occupe ce sujet et sa dangerosité. Car en étudiant ce sujet, le musulman voit comment à travers un acte, une parole ou une croyance, il peut sortir de l'islam. Wal'iyadhu billah. Il est important de savoir que l'étude et la compréhension de ces épîtres, et plus particulièrement cette épître que nous avons entre les mains, doit se faire à travers l'explication et la compréhension des gens de la sunna, et ceci afin de ne pas tomber dans l'un des deux extrêmes, dans l'exagération ou dans le laxisme. Et certes, l'étude et la compréhension de ce sujet est plus pressant et urgent à notre époque. Une époque dans laquelle les troubles sont nombreux. Des troubles qui sont exposés et couvrent le croyant à l'image des vagues. Une époque dans laquelle tenir à sa religion est semblable à tenir une braise dans sa main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر رواه الترمذي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, il viendra aux gens une époque où celui qui tient sa religion sera comparable à celui qui tient une braise de feu dans sa main. Hadith rapporté par at-Tirmidhi. Et certes, celui qui regarde et jette un œil sur l'état des musulmans peut témoigner de cela. Une époque où les ennemis de l'islam poussent et appellent ouvertement les musulmans à délaisser et à apostasier de leur religion en échange d'un profit ou d'un bien mondain. Et certes, la personne qui est exposée à ces troubles nuit et jour, dans le monde et plus particulièrement dans les pays mécréants, sans s'en rendre compte peut passer de l'islam à la mécréance, avec une simple parole, une simple croyance, une simple action. Qu'Allah nous en préserve. Voilà pourquoi il est bon de se rappeler ces différentes règles et fondements afin de se préserver, de préserver son entourage, ses proches, sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abi Hurayra radiallahu anhu, hadith rapporté par Muslim rahimahullah, concernant cette époque, il a dit « Badiru bil a'mal fitanan ka qita'i al-layl al-muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira » أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Il dit dans le sens du hadith, hâtez-vous de faire les bonnes actions avant que les troubles sombres, à l'image de la nuit, n'apparaissent. L'homme se lève le matin croyant et le soir devient mécréant. Ou il est croyant le soir et devient mécréant au matin. Il vend sa religion par un bien éphémère de ce bas monde. Avant de commencer l'étude de cet épître, nous allons citer en préambule et de manière résumée certaines règles que les savants de la Sunna ont mentionnées sur le fait de juger une personne mécréante, et ceci afin de nous aider à comprendre ce sujet. Fanaqul wa billahi tawfiq. Premièrement, il faut savoir que le fait de juger une personne mécréante est un droit d'Allah et de son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Une personne ne peut être jugée et taxée de mécréance qu'avec une preuve claire du livre d'Allah et de la Sunna. Car juger une personne mécréante sans preuve, si cela n'est pas avéré, alors la parole revient sur la personne qui a prononcé cette parole. Comme ceci est rapporté dans le hadith de Abi Huraira, rapporté par Al-Bukhari. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. Lorsque l'homme dit à son frère musulman ô mécréant, ô toi le mécréant, la parole revient sur l'un des deux. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى a dit, il n'appartient à personne de juger mécréant une personne parmi les musulmans et ce même s'il s'est trompé, tant que les preuves ne lui ont pas été établies et dressées. Et celui dont son islam est établi avec certitude, cela ne peut lui être retiré avec le doute. Mais au contraire, son islam ne disparaît qu'après l'établissement des preuves et la levée des ambiguïtés. Deuxièmement, la mécréance est de deux catégories. Il y a la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam, qui annule toutes les œuvres. Si la personne meurt dans cet état sans se repentir, Allah ne lui pardonne pas. L'entrée du paradis lui est interdite et il sera en enfer éternellement. Wal'ayazu billah, qu'Allah nous en préserve. La deuxième catégorie qui est la mécréance mineure, qui ne fait pas sortir de l'islam et qui n'implique pas la damnation éternelle en enfer. Mais cette catégorie reste très grave et risque de faire tomber la personne dans la mécréance majeure. La mécréance et le polythéisme dans les textes religieux peuvent avoir le sens de la mécréance et polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam, comme ils peuvent avoir le sens de la mécréance et le polythéisme mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. Voilà pourquoi nous voyons dans certains textes que les auteurs de certains faits sont caractérisés par la mécréance ou polythéisme. Ils sont caractérisés par la mécréance ou polythéisme, mais cette mécréance ou polythéisme n'est pas une mécréance qui fait sortir son auteur de la religion de l'islam. À titre d'exemple, dans le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ithnatani fin nas huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasab wa niyahatu ala al-mayyit. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du hadith: deux catégories de personnes parmi les gens ont en eux de la mécréance, ceux qui dénigrent la lignée, généalogie, et ceux qui se lamentent sur les morts. De même, dans certains textes, il est mentionné que l'auteur de certains faits n'est pas croyant. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman et qu'il est sorti de l'islam. Mais cela veut dire que sa foi n'est pas complète. À titre d'exemple, nous avons le hadith de Anas, radiallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le hadith de Anas رضي الله عنه: nul d'entre vous ne sera croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Hadith rapporté par Al-Bukhari. C'est-à-dire la personne n'aura pas complété sa foi et non pas qu'il n'est pas croyant, c'est-à-dire mécréant. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrab wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Al-hadith. Il dit dans le sens du hadith: le fornicateur lorsqu'il fornique n'est pas croyant. Et celui qui boit de l'alcool lorsqu'il boit n'est pas croyant. Et le voleur n'est pas croyant lorsqu'il vole. Jusqu'à la fin du hadith. L'éminent savant, le Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit ce qui est voulu de ce hadith, c'est la mise en garde contre ses péchés. Et que la personne n'a pas la foi complète. Il n'est pas croyant à la foi complète. Il a un manquement dans sa foi. Et le sens n'est pas qu'il est mécréant. Fin de citation. Le musulman qui se rend coupable de péché, de désobéissance, on ne lui attribue pas l'appellation croyant à la foi complète, mais il est appelé musulman pervers ou croyant à la foi faible. Troisièmement, il est possible qu'il se trouve dans le cœur de la personne de la foi et de la mécréance. Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit: il se peut que la personne ait une branche parmi les branches de la foi en lui et une branche parmi les branches de l'hypocrisie. Il peut être musulman et avoir de la mécréance inférieure à celle qui fait sortir complètement de l'islam, comme a dit le compagnon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, de la mécréance en deçà de la mécréance, c'est-à-dire la mécréance mineure. L'imam ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a dit également: il y a un fondement qui est qu'il se peut que soit réuni chez l'homme de la mécréance et de la foi, de l'unicité et du polythéisme, de la piété et de la perversité, de l'hypocrisie et de la foi. Et ceci fait partie des plus grands fondements des gens de la sunna. Et les gens de l'innovation se sont opposés aux gens de la sunna dans ce fondement, comme Al-Khawarij, Al-Mu'tazila, Al-Qadariya et autres. Et la question de la sortie du feu ou la damnation éternelle dans le feu des gens qui ont commis des grands péchés est basé sur ce fondement qui est appuyé par le Coran, la Sunna, la raison saine et le consensus des compagnons. Fin de citation. Allah Azza wa Jal a dit à cet effet: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. الله عز وجل dit dans sourate al-Hujurat, dans le sens des versets, les Bédouins ont dit: nous avons la foi. Dit: vous n'avez pas encore la foi, dites plutôt: nous nous sommes simplement soumis. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs, et si vous obéissez à Allah et son messager, il vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit en commentaire de ce verset: ici, la mise en évidence montre que la foi qui est niée à ces bédouins est cette foi qui est niée aux pervers parmi les gens de la Qibla, c'est-à-dire ceux qui s'affilient à l'islam, qui ne s'éterniseront pas en enfer. Il se peut même que l'un d'entre eux ait l'équivalent du poids d'un atome de foi. La négation de cette foi n'implique pas forcément la mécréance qui condamne la personne éternellement en enfer. Fin de citation. Quatrièmement, parmi les règles à connaître, il y a l'obligation de faire la différence entre al-takfir al-mutlaq ou al-mu'ayyan, c'est-à-dire de faire la différence entre le fait de juger mécréant ou de rendre mécréant de manière absolue ou générale et le fait de rendre mécréant une personne spécifique. Ce qui est voulu de rendre mécréant de manière absolue ou générale, c'est-à-dire, par exemple, comme disent les savants, celui qui dit que le Coran est créé a certes mécru. Et ce qui est voulu de rendre mécréant de manière spécifique, c'est-à-dire une personne précise. Exemple, un tel fils d'un tel est mécréant. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, a dit dans une parole rapportée dans Ad-Durar al-Saniyya: la question sur le fait de juger une personne spécifiquement de mécréance ou qui est mécréante est connue, c'est-à-dire entre les gens de science. Si la personne dit une parole de mécréance, alors il est dit: celui qui dit telle ou telle parole est un mécréant, ici c'est-à-dire de manière absolue. Quant à la personne précise, si elle dit cette parole, alors elle n'est pas jugée mécréante spécifiquement jusqu'à ce que lui soit établie la preuve. Fin de citation. Nous verrons plus tard que certaines catégories ne rentrent pas dans cela, comme le fait d'insulter Allah, son prophète et autres. Cinquièmement, parmi les règles à savoir, il y a la nécessité de présenter et d'établir les preuves pour juger une personne spécifique de mécréance ou comme étant mécréante. Au vu de la parole d'Allah Azza wa Jal dans sourate Al-Isra verset 15: wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Et nous n'avons puni ou châtié un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Sur la base de ce verset, ou sur la base de ceci, il faut que les conditions soient réunies et que les empêchements soient levés ou absents. C'est-à-dire, pour juger une personne mécréante, il faut que les conditions soient réunies et que les empêchements au fait de la juger mécréante soient levés ou absents. Ce qui est voulu des conditions ici, c'est premièrement la concrétisation de la science. Deuxièmement, la concrétisation de l'intention, la volonté. Et ce qui est voulu des empêchements, c'est-à-dire qui empêchent le jugement sur une personne spécifique comme étant mécréante, ils sont au nombre de quatre. Premièrement, l'ignorance qui s'oppose à la science. Deuxièmement, l'interprétation. Troisièmement, l'erreur. Quatrièmement, la contrainte. Voici les quatre empêchements. Le premier empêchement, qui est l'ignorance. Parmi les preuves concernant l'ignorance, il y a le verset de Sourate al-Isra que nous avons cité précédemment: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dans Sourate al-Isra, verset 15. et nous n'avons châtié ou puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. De même, il y a le hadith présent dans les authentiques de Al-Bukhari et Muslim. D'après Abi Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا ربي خشيتك فغفر له وفي رواية مخافتك يا ربي. Dans le sens du hadith, un homme avait commis beaucoup de péchés, et lorsque la mort se présenta à lui, il dit à ses enfants ou à sa famille, « Si je meurs, brûlez-moi, puis réduisez mes cendres en poussière, puis dispersez-les avec le vent. Car par Allah, si mon Seigneur me ressuscite, il me châtiera d'un châtiment dont il n'a jamais châtié personne. » Lorsqu'il mourut, sa recommandation fut accomplie. Puis Allah ordonna à la terre en lui disant, « Regroupe ce qui se trouve en toi de lui. » Elle s'exécuta et le voilà alors debout. Allah dit, « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela ?» Il répondit, « Ma crainte envers toi, ô mon Seigneur. » Allah lui pardonna alors. Et dans une autre version, dans la première version, « Ma crainte envers toi » et dans la deuxième, « Ma peur envers toi. » Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, a dit en commentaire de ce hadith, cet homme a douté de la capacité d'Allah dans le fait qu'Allah va le ressusciter lorsqu'il sera poussière. Mais plus que cela, il a eu la conviction qu'il ne sera pas ressuscité. Et ceci est de la mécréance à l'unanimité des musulmans. Mais il était ignorant et ne savait pas cela. Il était croyant et avait peur qu'Allah le châtie. Allah lui a donc pardonné en raison de cela. Fin de citation. Cheikh al-Islam a dit également concernant l'ignorance, « L'ignorance ne sera une excuse qu'avec l'incapacité de lever cet état d'ignorance. Dans le cas contraire, s'il est possible à la personne de connaître la vérité, mais que ce dernier fait preuve de manquement dans cela, c'est-à-dire dans l'apprentissage et la connaissance de la vérité, alors il ne sera pas excusé car le manquement vient de lui. » Et certes, la question de l'excuse par l'ignorance est une question connue auprès des savants, des gens de science, qui ont divergé sur ce sujet. Certains voient que la personne n'est pas excusée dans les fondements de la religion, sauf si la personne est dans une contrée lointaine, coupée de la science, coupée des gens de science, coupée de la connaissance de la vérité. Mais s'il a accès aux savants, à la science, alors il n'est pas excusé par l'ignorance, car Allah Azza wa Jal a dit « Fas'alou ahla dhikr in kuntum la ta'lamoun » « Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. » En résumé, ce n'est pas toute ignorance qui est acceptée. De même, ne rentre pas dans l'ignorance celui qui insulte Allah et son messager, ou qui se moque de la religion pour plaisanter ou pour s'amuser. Car nul n'ignore que la religion est basée sur la révérence et le respect profond. D'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, a dit dans son livre « I'lam al-Muwaqqi'in » dans le tome 4, page 448, concernant celui qui a dit la parole de mécréance pour s'amuser ou pour plaisanter, il dit « Nous avons vu précédemment que celui qui a dit lorsqu'il a retrouvé sa monture après l'avoir perdue, « Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il s'est trompé, ceci dû à l'extrême joie qu'il a eue à ce moment. Il n'a pas été jugé mécréant alors qu'il a dit une parole de mécréance, et ceci de manière claire et explicite. Mais il n'est pas jugé mécréant car il n'a pas voulu cette parole. De même, celui qui est contraint de dire une parole de mécréance à cet instant, il dit la parole de mécréance, mais ne mécroit pas, car il ne veut pas cette parole, mais il l'a certes prononcée sous la contrainte. À la différence de celui qui se moque et celui qui plaisante avec la religion, celui-là, son divorce ou sa mécréance sont effectives, même s'il s'amuse ou plaisante. Car celui-là a l'intention et cherche à dire cette parole, et son amusement ou sa plaisanterie n'est pas une excuse pour lui, à la différence de celui qui est contraint, celui qui s'est trompé ou celui qui a oublié. Ceux-là sont excusés et on leur a permis de dire cela en fonction de leur situation. Alors que celui qui s'amuse, il ne lui est pas permis de dire une parole de mécréance pour s'amuser. Il prononce donc cette parole en ayant l'intention et en voulant dire cette parole. Et aucune contrainte, erreur, oubli ne le pousse à cela. Et certes, l'amusement, Allah et son prophète n'en ont pas fait une excuse, mais au contraire, son auteur est plus à même d'être châtié. Ne vois-tu pas qu'Allah a excusé celui qui est contraint lorsqu'il dit la parole de mécréance, si son cœur est tranquillisé par la foi? Et à l'opposé, il n'a pas excusé celui qui plaisante, mais plutôt, Allah a dit à son sujet, dans Sourate At-Tawbah, « Et si tu les interroges, ils te diront très certainement, « Vraiment, nous ne faisons que bavarder et jouer. » Dis, « Est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez ?» Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. » Sourat At-Tawbah, versets 65 et 66. De même, Allah a levé le reproche à celui qui s'est trompé et à celui qui a oublié. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim. Quant au deuxième empêchement, qui est l'interprétation, nous pouvons nous baser sur le hadith de l'homme qui a demandé à son enfant, à ses enfants, de le brûler après sa mort. Cet homme a eu une interprétation. De même, ce n'est pas toute interprétation qui est prise en compte, car il y a des interprétations qui sont caduques et non acceptées. Quant au troisième empêchement, qui est l'erreur, et ceci réside dans le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah fanfalatat minhu wa alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa'aysa minha fa'ata shajaratan fattaja'a fi dhilliha » فاتجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est certes plus joyeux du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent que l'un d'entre vous qui était sur sa monture dans une terre déserte et dont la monture s'est échappée de lui avec sa nourriture et sa boisson, et qui a perdu tout espoir de la retrouver, il s'est rendu auprès d'un arbre et s'est couché sous son ombre, désespérant de retrouver sa monture. Et alors qu'il est dans cette situation, voilà que sa monture est à ses côtés, debout. Il se saisit alors des rênes de la monture, puis il dit de par son immense joie, « Ô Allah, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. » Il s'est trompé en raison de son immense joie. Quant au quatrième empêchement, la contrainte, la preuve de cela réside dans le verset 106 de Surat An-Nahl. Allahu Azza wa Jal a dit, « Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innum bil iman » ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Dans le sens des versets, Allah Azza wa Jal a dit, quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Pour l'explication de ces deux points, nous pouvons revenir à la parole de l'imam Ibn al-Qayyim lorsqu'il a éclairci le cas de celui qui est contraint, de celui qui s'est trompé et de celui qui prononce la parole de mécréance pour s'amuser ou pour plaisanter. Sixièmement, pour finir, il faut savoir que la compétence dans ces affaires, dans le fait de juger une personne mécréante, revient aux juges et aux savants spécifiques et non au commun des gens, c'est-à-dire un juge islamique qui juge à travers la loi d'Allah Azza wa Jal. Car c'est un domaine qui requiert une étendue de science, de clairvoyance, de sagesse et de précision dans ses affaires. Et ceux-là sont les juges islamiques, les savants enracinés qui donnent la fatwa, les signataires au nom d'Allah dans ses règles. Car il faut savoir qu'il découlera de ce jugement beaucoup de règles concernant cet individu, comme le fait qu'il doit être divorcé de sa femme si elle est musulmane. S'il meurt dans cet état, on ne prie pas sur lui. Il n'est pas enterré avec les musulmans. On n'hérite pas de lui et il n'hérite pas des musulmans. Voilà pourquoi ce domaine est la compétence des juges islamiques qui jugent avec la loi d'Allah Azza wa Jal. Il est donc important de connaître ces règles et de prendre garde à ne pas tomber dans l'un des deux extrêmes qui sont des voies égarées. L'exagération qui est la voie des Khawarij et leurs semblables et la voie du laxiste qui est la voie des Murji'a et de leurs semblables. هذا ما تيسر نتوقف عند هذا القدر. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, بإذن الله تعالى, nous commencerons l'explication de l'épître. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.